Bienvenue à tous pour mon émission de Y a des choses à dire, une émission consacrée à l'handicap visuel vu autrement, animée par Papy José. Qu'on soit malvoyant ou non-voyant, on n'entend pas mieux, on entend différemment. Chaque son, chaque bruit, chaque voix, c'est un repère, une destination. Alors, quand on est non-voyant et qu'on perd l'audition, c'est très compliqué. Aujourd'hui, vous allez écouter et comprendre. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 8e émission de Y a des choses à dire, consacrée au handicap visuel vu autrement. Pour cette nouvelle émission, on va aborder un sujet totalement différent, quoique l'audition. Car en effet, l'audition, c'est un sens énorme pour un non-voyant. C'est en quelque sorte à travers l'audition qu'ils peuvent parfois voir, ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. Alors, je ne vais pas m'étendre sur beaucoup de chiffres, je vais en donner quand même quelques-uns. Parlons des non-voyants d'abord et des déficients visuels. Au total, dans le monde, il y a 2,2 milliards de déficients visuels pour 45 millions de non-voyants. Pour l'audition, on compte environ 1,5 milliard de déficients auditifs pour 70 millions de personnes complètement sourdes. Est-ce une fatalité? Nous allons parler aujourd'hui avec mon invité, Geoffrey, qui est audioprothésiste. Bonjour. Bonjour, Geoffrey. On va essayer de comprendre un peu comment tout ça marche, l'audition, les difficultés qu'on peut avoir en termes d'audition, les anomalies, et surtout comment on peut traiter ça. Et puis, on conclura un peu avec l'avenir pour les prothèses auditives ou les implants. Geoffrey, je vais vous laisser vous présenter. Oui, bien sûr. Je suis Geoffrey Genzer. Audioprothésiste de formation, donc un diplôme d'État, et ensuite un master en audiologie. Donc je travaille en centre d'audioprothèse, donc j'ai deux centres à Nancy et à Metz. Je suis également régleur d'implants cochléaires au CHU de Nancy. Voilà. D'accord. Alors, pour bien comprendre, ce que je voudrais, c'est comment circule le son à l'intérieur de l'oreille, comprendre un peu mieux le circuit. Le son, on sait que c'est des ondes, hein, c'est ça, c'est des ondes, donc c'est compression, décompression de l'air qui envoie le son à l'intérieur de l'oreille. On commence par le pavillon, un peu l'antenne du circuit auditif. Exactement, donc ça, c'est plutôt ce qu'on va appeler l'oreille externe. Donc ça va contenir le pavillon, donc la partie visible de l'oreille à l'extérieur, avec tous ces plis qui vont donner une sorte de couleur au son, qui va nous permettre notamment de caractériser l'origine du son. Et puis ensuite, on a le conduit auditif, donc qui va véhiculer cette vibration, auditive, jusqu'au tympan. Alors, le pavillon, c'est en quelque sorte le GPS, hein, il va voir si le son vient d'en haut, d'en bas, à gauche, à droite. Et d'ailleurs, un petit truc, si vous mettez la main derrière l'oreille, le son s'amplifie. Hein, c'est ça, c'est le principe du pavillon. Exactement. C'est aussi le principe des premières aides auditives, qui étaient une sorte de cornet, comme un peu Trifon Tournesol dans Tintin. Et j'allais le dire, tout à fait. Alors donc, il y a le conduit auditif qui, il va aboutir au tympan, mais ce conduit auditif, il peut avoir quelques problèmes avec, en particulier, ça se bouche avec du cérumen. Exactement. Donc, il peut y avoir des pathologies au niveau de l'oreille externe. Le plus connu, ça va être le bouchon de cérumen. Après, il peut y en avoir d'autres, hein, des exostoses. Donc ça, c'est des formations de d'os qui vont avoir tendance à refermer le conduit auditif. Généralement, on voit ça chez des personnes qui font de la plongée, donc dans l'eau froide très souvent. Donc l'oreille a tendance à se refermer, par exemple. Ça peut ne pas du tout être problématique, hein, si le conduit auditif reste relativement ouvert. Après, il peut y avoir d'autres pathologies, effectivement, comme des lésions, des otites externes, etc. Alors ça reste néanmoins la partie de l'oreille la moins fragile. Bon, même si l'otite peut fragiliser le tympan, je crois, hein, que ça peut toucher le tympan si ça va à l'arrière du tympan. Voilà, donc à ce moment-là, on parlera plutôt d'otite moyenne. Donc l'otite se trouve, l'otite, donc oto, l'oreille, et ite, l'inflammation. Donc l'inflammation de l'oreille peut se trouver soit à l'extérieur, une otite externe, au niveau du pavillon, du conduit auditif, soit une otite moyenne, donc au niveau de l'oreille moyenne, donc derrière le tympan. Alors, l'otite peut percer le tympan, hein, j'ai lu ça. Effectivement, donc l'otite, donc cette inflammation, peut créer un liquide qui va se trouver derrière le tympan. Donc la première des problématiques, ça va être la douleur et puis la baisse d'audition. Hein. Et puis ensuite, effectivement, si la pression est trop importante, ça peut percer le tympan. Il peut y avoir d'autres complications, notamment la modification du liquide qui va y avoir derrière le tympan et donc une infection plus grave, entre guillemets. D'accord. Alors le tympan, pour schématiser, c'est en quelque sorte la peau d'un tambour qui vibre. Exactement, c'est une peau extrêmement fine Oui. sur laquelle va être collé le manche du marteau qui va entraîner toute la chaîne des osselets Alors, ensuite. le principe, si j'ai bien compris, le son, donc c'est en quelque sorte une pression qui arrive sur le tympan. La pression ou compression, enfin de l'air, qui est amplifiée par le marteau sur l'enclume, c'est ça. Alors, le rôle de l'oreille moyenne, donc ce qui va comporter le tympan, la chaîne des osselets, le rôle premier, ça va être une sorte d'amplification. Donc il va y avoir une surface très importante au niveau du tympan qui va récupérer cette pression acoustique et qui va la transmettre à l'oreille interne, donc l'organe neurosensoriel qui va se trouver par la suite. Et donc cette chaîne ossiculaire va avoir pour effet d'amplifier par un effet de bras de levier cette vibration. Donc il y a deux effets. Il y a l'effet d'une différence de surface au niveau du tympan et au niveau de la cochlée, qui va être beaucoup plus importante au niveau du tympan, donc ça va récupérer énormément d'énergie, et un effet de bras de levier pour amplifier le son qui parvient au tympan. En clair, le tympan, c'est l'entrée, j'allais dire, du son, hein, qui est plus large que la sortie du son que l'étrier pousse vers l'oreille interne, c'est ça? Exactement, exactement. Et donc on peut quantifier cette amplification de x20 ou x30 par ces effets-là, ces effets D'accord. mécaniques, purement Ok. mécaniques. Et tout ça, pour bien comprendre pourquoi on amplifie cette pression, c'est pas le son qui est amplifié, c'est la pression, hein, c'est ça, hein, c'est la pression de l'onde en quelque sorte. Oui, c'est ça. Pour l'instant, on est passé du milieu aérien de la vibration en Au un milieu milieu mécanique. mécanique, Voilà. exactement. Et l'oreille moyenne, en fait, c'est un effet d'adapteur d'impédance. Donc là, on rentre un peu dans la technique, mais le but est de passer de l'air au liquide. Parce qu'en fait, dans la cochlée, donc l'organe neurosensoriel où vont se trouver toutes les cellules qui vont transformer la vibration en influx nerveux, cette cochlée-là se trouve dans le liquide. Oui, Et donc on a. on va y revenir un peu après parce que je vais rester un peu sur l'oreille moyenne. Parce que là, je sais pas, je me suis un peu documenté, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que faisait la trompe de Stage dans tout ça. Et c'est un peu le régulateur de pression avant et après le tympan, c'est ça? Exactement. Donc là, c'est plus la pression atmosphérique qui va être équilibrée via la trompe de Stache. Le but étant que de part et d'autre du tympan, la pression soit identique, de sorte qu'il puisse vibrer de la meilleure façon possible. S'il y a une pression différente d'un côté ou de l'autre, typiquement quand on monte en altitude ou quand on descend très rapidement, on va avoir les oreilles qui vont se boucher. Donc en fait, la pression à l'extérieur du tympan va être différente de la pression dans la caisse du tympan. Et donc la trompe de Stache va s'ouvrir quand on bâille, par exemple. Ça va faire rentrer de l'air et ça va équilibrer les pressions de part et d'autre du tympan. D'accord. Donc, quand on veut déclencher la trompe de Stache pour rééquilibrer entre le tympan, on bâille, on mâche, on prend un chewing-gum, voilà, c'est le principe pour que l'air compense la baisse ou augmentation de pression. Exactement, ou sinon il y a la manœuvre Valsalva qui permet enfin en se bouchant le nez et en On bouche-nez, soufflant on très fort. souffle. Exactement. Oui, c'est Donc là, on ça. va forcer l'air à passer à travers la trompe de Stache si jamais elle reste bloquée. D'accord. Alors donc on arrive à l'oreille interne maintenant. Donc l'étrier pousse, si je puis dire, la pression pour que elle puisse agir sur le liquide. puisque il faut qu'elle soit suffisamment puissante. Le liquide, c'est en quelque sorte comme de l'eau, on fait des vagues, et c'est le principe. Les vagues circulent à l'intérieur de la cochlée. Plus elles sont en bas de la cochlée, plus ce sont des hautes fréquences, ainsi, et les basses fréquences sont en haut, hein, c'est ça. Alors, c'est pas tant des vagues, mais c'est effectivement une vibration qui, au lieu d'être transmise dans l'air, va être transmise dans le liquide. Donc, cette amplification-là et cette adaptation est faite grâce aux osselets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Après, effectivement, dans la cochlée, suivant l'endroit où on se trouve, où se trouvent les cellules, si on se trouve en bas de la cochlée, qui est une sorte d'escargot, on va avoir les fréquences aiguës, et plus on va monter dans l'escargot, et plus on va coder les fréquences graves. Alors ça, c'est hyper important. Je vais faire une petite référence à l'œil humain, à l'œil. Donc l'oreille, ce qui transmettra les informations par intermédiaire du nerf auditif au cerveau, ce sont les cellules ciliées, c'est ça? Exactement. Transmettent l'information via des signaux électriques. Exactement. Voilà. Alors juste pour faire la comparaison par rapport à la vue, on a un peu le même principe, sauf que c'est donc la rétine qui traite un peu toutes les informations qu'elle reçoit, toutes les pulsions lumineuses, les signes lumineux, mais elle ne trie pas, contrairement à l'oreille. L'oreille, il y a un tri qui se fait vraiment à l'intérieur de la cochlée, pas la rétine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de cellules dans la rétine qu'il y en a dans la cochlée. Et ensuite, c'est renvoyé au nerf optique, en pas rentrant dans les détails, par d'autres cellules, type les cellules ciliées, voilà, qui s'appellent cellules congénitales, je crois, pour les yeux. Alors, ça arrive au cerveau, tout ça, hein, on est clair, et tous les signaux électriques de l'oreille, d'auditif, arrivent au cortex auditif, à gauche et à droite. Exactement. Voilà. Donc c'est inversé, forcément. À gauche sur le cortex droit et l'oreille droite sur le cortex gauche, c'est ça? Voilà, exactement. Donc chaque cellule va coder une fréquence très précise suivant l'endroit où elle se trouve. Et donc en vibrant, elle va créer un potentiel d'action qui va en fait stimuler une branche du nerf auditif et qui va effectivement véhiculer le son jusqu'au cerveau. Voilà. D'accord. Alors là, on vient de parler, ça marche bien, voilà comment ça se passe. Dans la deuxième partie, puisqu'on va faire une petite coupure musicale, on va parler de, si ça va moins bien, comment on fait? Donc pour la pause musicale, je vous propose un morceau que j'ai écrit moi-même. Bon, généralement, c'est ce qu'on fait à chacune de mes émissions. C'est un morceau qui s'appelle « Va voir un audioprothésiste ». Vous voyez, c'est complètement dans l'émission. C'est un morceau qui est issu de mon prochain album qui paraîtra, je pense, en mai ou en juin, qui s'intitule « Les Tamalous en vacances au Club des Allumés ». Tout un poème. On y va. Pareil pour toute la bande. Hey! Un peu dur de la feuille, difficile de se parler, faut pas se l'avouer. Les oreilles sont un peu bouchées. Pourtant, tu sais, une prothèse bien réglée, une de plus, ok. Mais dans le bruit, c'est pouvoir papoter. Hey, va voir un audioprothésiste, un vrai, un pro, un spécialiste. Qu'est-ce que tu dis? J'entends pas vraiment. Y'a trop de bruit ici, ces foutus gosses, et que font leurs parents? Même si dans leurs oreilles y'a un peu de mou, rien ne gâchera la bonne humeur des tamalous. Tu crois que c'est mamie qui parle trop doucement, mais c'est toi qui captes mal trop souvent. Ça urge, tu devrais contrôler ton audition. Tu verras, tu comprendras mieux les discussions. Hey, yeah. Yeah, yeah, yeah, la, la, la, la, la. c'est papy. Oh, oh, oh. La, la, la. Oh, oh, oh. La. Alors, vous l'avez bien compris, allez voir un audioprothésiste si vous sentez que ça baisse un peu au niveau de l'audition. Parce que c'est tout à fait normal quand on vieillit, hein, je pense, hein, Geoffrey, que l'audition diminue quand on vieillit, tout simplement. Comme moi, j'ai vieilli et j'ai un peu de difficulté maintenant à écouter les hautes fréquences, c'est ça ? Exactement, c'est ce qu'on appelle la presbyacousie, donc la perte d'audition liée à l'âge. D'accord. Et qui va plus toucher les fréquences aiguës que les fréquences graves, c'est sa définition, oui. Alors, c'est pas fatal, parce que là, on peut régler ça. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Bon, on va commencer déjà par les surdités légères ou très moyennes, comme celle-ci. On traite ça comment ? J'ai vu qu'il y avait deux types de prothèses auditives, des prothèses intraoculaires et les prothèses autour de l'oreille. Expliquez-moi ça, est-ce que c'est un choix du client, entre guillemets, ou est-ce que techniquement, ça nécessite telle ou telle prothèse ? Alors, les aides auditives, donc il existe aujourd'hui trois grandes classes d'appareils. Effectivement, vous parlez des intra-auriculaires, donc ce qu'on voit généralement à la télévision, vous savez, les petites puces dans les oreilles. Donc ça, c'est une coque qui est faite sur mesure. Le fabricant va y intégrer toute l'électronique, le micro, jusqu'au haut-parleur. Donc il va se trouver vraiment dans le creux de l'oreille. Et puis, effectivement, il va y avoir deux autres types d'appareils qui vont se trouver à l'extérieur. Donc une partie qui va être derrière l'oreille, et puis ensuite, soit un fil électrique qui descend le long de l'oreille jusque dans le conduit auditif, qui alimente le haut-parleur qui, lui, se trouve dans le conduit auditif. Et puis, un autre type d'aide auditive où, de la même façon, tout se trouve à l'extérieur de l'oreille. Et puis, le son est envoyé cette fois-ci dans un tube. Donc ça, c'est vraiment des appareils très puissants pour des surdités vraiment très importantes. Et donc, le tube va véhiculer le son jusqu'au tympan. Voilà, Est-ce que c'est le principe de la conduction osseuse, non ? Non, absolument pas. Là, on est sur des aides auditives dites conventionnelles, le principe reste de capter les sons avec des micros et de les réamplifier de façon acoustique jusque dans le conduit auditif. Alors, qu'on s'entende bien, quand vous dites amplifier, le son n'augmente pas dans l'oreille. Je vais prendre l'exemple tout simplement d'une fourchette qu'on fait tomber. La prothèse auditive ne va pas amplifier le son, avoir un mal de crâne, pas possible. Non, elle va être sélective. Sélective en fonction des fréquences que le patient a perdues et en fonction de la perte d'audition. Une personne malentendante va entendre presque normalement les sons forts en réalité. Et ce sont plutôt les sons faibles à très faibles, voire moyens, qui sont mal ou peu perçus. Et donc l'aide auditive va plutôt amplifier ces sons-là sans amplifier les sons forts. Alors ça, c'est les hautes fréquences, en fait, hein, que quand on dit des sons qu'on entend moins bien ou plus aigus, c'est ça qu'on augmente le... En fait, c'est là où il y a le plus de problèmes avec l'âge, c'est les hautes fréquences. Alors, si on parle de la presbyacousie, oui, à ce moment-là, on va plus amplifier les sons aigus, les hautes fréquences, parce que la perte d'audition se trouve à cet endroit-là. Mais il existe un nombre incalculable de pertes d'audition qui font que, effectivement, la personne a perdu des graves, des médiums. Et donc, il y aura forcément une amplification sur ces fréquences-là aussi. Alors, est-ce que la prothèse auditive règle réellement le problème ou est-ce qu'elle le limite, le réduit ? Alors, ça reste une aide auditive dans le sens où on va effectivement travailler sur une oreille qui est plus ou moins pathologique. Et plus la surdité est importante, je parle surtout de surdité de l'oreille interne, plus les conséquences vont être importante dans la discrimination du son, donc c'est-à-dire faire la différence entre des M, des N, par exemple, ce genre de choses, donc des phonèmes, des sons de la voix très proches. Et donc, effectivement, on va être toujours limité par rapport à ça, puisqu'on va travailler sur une cochlée, une oreille interne qui va être lésée. Et une aide auditive va compenser un peu cela en traitant le son avant de stimuler... avant de stimuler l'oreille interne, effectivement. Donc, grosso modo, on va simplifier l'image sonore qui va être envoyée à la cochlée, de sorte que ce soit plus simple au cerveau qu'il y a derrière pour décoder ce qui lui parvient. Voilà. Prenons un exemple, deux personnes sont dans une salle extrêmement bruyante avec de la musique. La prothèse va en quelque sorte réduire le son alentour pour amplifier la voix. Exactement. Il y a différents types de systèmes qui sont intégrés aux aides auditives aujourd'hui, qui va être couplé à plusieurs microphones. Et donc ce sont des systèmes qui vont d'une part analyser l'environnement sonore et qui vont essayer au maximum de baisser les bruits qui vont être caractérisés comme tels et en même temps de regarder là où la parole se situe et de se focaliser sur la parole. Donc on arrive à avoir plusieurs faisceaux aujourd'hui, des aides auditives qui arrivent à se focaliser sur plusieurs paroles en même temps des personnes qui tournent autour d'une aide auditive. Alors est-ce que l'intelligence artificielle a fait bouger les choses ? Je suppose que oui. Et on est encore peut-être qu'au début encore de l'intelligence artificielle. Oui, on en est au balbutiement. Après, c'est vrai qu'on en est au balbutiement parce qu'on est à la fin de la chaîne. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle est utilisée depuis longtemps dans le développement de ce type de système. Oui, aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle pour entraîner des systèmes neuronaux profonds. Donc ce sont des processeurs qui peuvent être entraînés par des ordinateurs d'intelligence artificielle pour justement les aider à mieux reconnaître et à caractériser le bruit par rapport à la parole, et donc à avoir une meilleure suppression du bruit au profit de la parole. Alors donc là, on parle des prothèses auditives qui transmettent le son à la cochlée, qu'elle va ensuite traiter pour arriver au cerveau. Là, par contre, la cochlée, donc, ce sont des cellules, on en a parlé tout à l'heure, qui sont, quand elles meurent, elles sont mortes définitivement. Donc la prothèse, ça ne peut pas régler. Par contre, les implants, oui. Les implants cochléaires, effectivement. Un implant cochléaire va chanter le rôle de l'oreille interne. Donc un implant cochléaire, c'est un système qui est en deux parties. Une partie interne qui va être implantée par le chirurgien ORL, donc une partie sous la peau, et ensuite un porte-électrode qui va être implanté dans la cochlée, donc l'organe neurosensoriel. Et au sein même de la cochlée, les électrodes vont stimuler soit en bas de la cochlée, donc des aigus, soit en haut de la cochlée, les graves. Donc c'est comme ça qu'on va redonner une tonotopie, donc les sons graves ou aigus, au patient. Donc avec une vingtaine d'électrodes suivant les fabricants d'implants cochléaires. Et puis, plus la stimulation électrique est forte, plus la sensation de force du son sera importante. Donc c'est comme ça qu'on va régler sur chacune des électrodes le son pour chacun des patients. Alors qu'on se comprenne bien, l'implant cochléaire ne règle pas la totalité de la perte auditive. Alors, il va régler certaines choses pour des surdités aujourd'hui sévères à profondes. Donc c'est très encadré par la loi et aujourd'hui, seules les personnes sourdes profondes à sévères peuvent avoir accès à ce type de système. Il existe aussi des surdités dites unilatérales, donc des personnes qui ont une surdité totale d'un côté avec des acouphènes qui vont être invalidants par exemple. Donc des acouphènes, des sons très forts perçus par les patients. Donc à ce moment-là, dans certains cas très particuliers, après avoir fait d'autres tests avec d'autres systèmes qui n'ont pas trouvé de résultats, on peut effectivement implanter un implant cochléaire sur ce type d'oreille. Mais ça reste limité dans le sens où une oreille a plusieurs milliers de cellules qui vont coder le son, une oreille qui fonctionne bien, voilà, une oreille qui va être implantée n'aura que 22 électrodes stimulées. Donc forcément, la qualité sonore sera moins bonne. Cependant, aujourd'hui, on a d'excellents résultats chez des patients qui, au lieu d'être sourds, ont un implant cochléaire et peuvent avoir une vie totalement normale avec des implants qui sont Bluetooth, qui se connectent au téléphone et voilà, qui permettent. En sachant qu'un électrode, c'est pas l'équivalent d'une cellule. C'est non. L'équivalent de plusieurs dizaines de cellules. Exactement, exactement. Puisqu'on passe de 3500, il me semble, cellules ciliées internes, ouais, à 22 électrodes. Donc forcément, on va perdre effectivement en sensation de fréquence. Oui, on sera moins précis. Alors, en écoutant tout ce que vous dites, moi, une chose qui m'interpelle, c'est vous parlez de surdité profonde. Ça signifie sourd, quoi, tout simplement. En surdité profonde, on n'entend plus rien du tout. Non, alors les gens, voilà, ça, c'est les gens qui n'entendent plus rien du tout, on appelle ça des cophoses. Les surdités profondes vont toujours percevoir, il y a différents types, type 1, type 2, ils vont toujours percevoir des sons, mais de très très forts. Voilà, c'est 90, 100 décibels. C'est énorme. 120 décibels, c'est effectivement énorme. Voilà. Mm-hmm. Donc la conséquence de ces surdités-là font que même appareillés, les résultats sont très médiocres. Voilà, avec une aide auditive, la discrimination de la cochlée est telle que voilà, on ne peut pas faire comprendre quelqu'un normalement. Et le test est simple, c'est que appareillé à 60 décibels, donc le niveau de la voix que j'ai à ce moment-là, si le patient comprend moins d'un mot sur deux, à ce moment-là, il peut passer dans le circuit de l'implant cochléaire. Oui. 60 décibels, c'est déjà pas mal. Hein. 60 décibels, c'est la voix d'un discours effectivement normal, oui. D'accord. Par rapport à ça, moi j'avais lu que 95% des, on va dire, des handicapés auditifs ou des malentendants. Oui. 95% dans les malentendants, on entend les sourds profonds. 95% peuvent être traités. Autrement dit, on traite pratiquement toute la surdité au jour d'aujourd'hui. Alors, je n'ai pas la statistique exacte, mais effectivement, aujourd'hui, bon nombre de surdités peuvent être traitées, soit chirurgicalement, soit effectivement avec une aide auditive, soit avec un implant cochléaire, soit avec d'autres types de systèmes implantables, vibrants, etc., suivant l'origine de la surdité, tout à fait. Alors ça, ce sont des progrès énormes. Si je fais le parallèle avec la vue, on fait également des implants rétiniens, mais qui n'a aucun rapport, parce que là vous parliez de 20 électrodes en quelque sorte. Si on met ça dans l'implant rétinien, qui est à peu près le même chiffre, on voit rien, quoi. En fait, on peut voir des formes, peut-être des grosses lettres, mais on n'a pas le résultat qu'on obtient avec un implant cochléaire. Et c'est là où on voit que les progrès sont énormes en termes d'audition. C'est alors, énorme. Alors après, peut-être pour vous, l'implant cochléaire, il existe depuis 45 ans. Oui, mais c'est pas le cas de l'implant rétinien. Hein. Voilà. Donc non, l'implant cochléaire existe depuis de nombreuses années. Depuis les années entre 85 et 95, il s'est fortement développé et miniaturisé. Donc au début, les processeurs avaient la taille d'un paquet de cigarettes et puis ça s'est miniaturisé en un processeur qui se porte derrière l'oreille avec une antenne qui vient au regard de la partie interne qui s'aimante. Alors j'ai lu que l'implant cochléaire allait encore évolué, mais là on va en parler dans la troisième partie de l'émission, puisque c'est encore le temps de faire une pause. Dans la troisième partie, on parlera un peu plus à venir. Donc cette fois, c'est un clip audio qui parle un peu de pourquoi aller voir un audioprothésiste, c'est ce qu'il peut nous apporter. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on passe au crible pas mal de documents cliniques, des fiches techniques et de la recherche fondamentale sur un sujet précis, la mécanique de l'audition et surtout la technologie qui vient à son secours. Salut, je suis ravie d'être là pour en parler. C'est un sujet fascinant parce que la mission aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi la perte d'audition détruit la clarté du son. Ouais. Et de voir comment les prothèses modernes font bien plus que juste monter le volume pour restaurer la connexion au monde. Exactement. Et je trouve que le contexte est super important. L'audition, c'est vital pour tout le monde. Mais quand on y pense, pour les personnes déficientes visuelles qui ont perdu ce sens essentiel qu'est la vision, l'ouïe devient le radar principal. Tout à fait. C'est le lien direct avec l'environnement. C'est ça. Donc comprendre à quoi servent vraiment ces prothèses et ce qu'elles apportent pour améliorer l'ouïe, c'est absolument crucial. C'est pas juste du confort. Non, c'est de l'intelligibilité. C'est le point central de toutes nos sources, en fait. Entendre un bruit brut, c'est une chose. Mais décoder le message pour le comprendre, c'est le vrai défi cognitif. Du coup, reprenons la base. Le trajet physique du son. On connaît tous le schéma, le son traverse le pavillon de l'oreille. Ça crée une sorte de carte spatiale en 3D. Ouais, le pavillon colore le son. Et ensuite, ça frappe le tympan et les osselets. D'ailleurs, c'est dingue, ce sont les plus petits os du corps humain et ils amplifient la pression mécanique 20 fois. 20 fois, oui. Pour faire vibrer le liquide dans la cochlée. Et c'est là que j'ai été émerveillée en lisant les documents. Cette espèce de forêt sous-marine dans l'oreille interne. Les cellules ciliées. Ah, la transduction, c'est le vrai prodige mécanique et biologique. C'est le moment précis où le mouvement mécanique devient électrique. Et les cellules ciliées externes jouent un rôle clé là-dedans, non ? Majeur. Ce sont des minuscules moteurs cellulaires qui se contractent. Elles s'allongent au rythme du son. Elles dansent presque. Elles dansent ? C'est exactement ça. Et en faisant ça, elles amplifient spécifiquement les sons les plus faibles. Sans ça, la sensibilité auditive s'effondre. Sauf que, et c'est là que le problème commence, ces cellules sont extrêmement fragiles. Et elles ne se régénèrent jamais. Jamais. Chez l'humain, du moins. Et quand elles meurent, on perd d'abord les fréquences aiguës et les consonnes, le fameux manque de résolution. C'est l'exemple classique du dîner bruyant. On voit la personne parler en face, on entend du bruit, mais c'est impossible de savoir si elle a dit chapeau ou château. Le volume est là, mais la netteté a disparu. Le cerveau ne décode plus rien. Et c'est là qu'on arrive à la grosse démystification de ce décryptage. Une prothèse auditive, c'est pas du tout un AirPod surpuissant qui hurle dans l'oreille. Surtout pas. Si c'était le cas, le bruit d'une fourchette sur une assiette, ça deviendrait insupportable. Une arme de destruction massive pour le tympan, ouais. Les fiches techniques qu'on a analysées montrent que ce sont de vrais ordinateurs miniaturisés. Avec plusieurs micros, c'est ça? Oui, qui scannent l'environnement à 360 degrés. Leurs algorithmes font la différence entre la voix humaine et le bruit de fond en temps réel. Le processeur isole la parole, la nettoie, réduit le bruit. Et tout ça est programmé sur mesure pour combler juste les fréquences qui manquent. Ce qui permet de se reconcentrer sur une discussion, même dans un brouhaha. Ce qui change la vie, surtout, on le disait, quand on dépend uniquement de son oui pour s'orienter. C'est un changement de vie radical. Mais bon, ces puces ont quand même une limite. En cas de surdité sévère, l'amplification intelligente ne suffit plus. C'est là que les documents introduisent l'implant cochléaire. Et là, on change de dimension. On court-circuite complètement la biologie. On la contourne. L'implant stimule directement le nerf auditif avec des impulsions électriques. Et ce qui est fou, c'est le respect de la tonotopie. La carte spatiale naturelle, c'est ça. Les graves au sommet, les aigus à la base de la cochlée. Exactement. Les électrodes reproduisent cette cartographie. Mais la recherche fondamentale va encore plus loin aujourd'hui, vers la thérapie génique. Oui, j'ai vu la partie sur les vecteurs viraux. C'est de la science-fiction. Prendre un virus inoffensif, s'en servir comme cheval de Troie. Pour livrer un gène sain. Voilà, livrer le gène directement dans les cellules défectueuses de l'oreille interne. On répare à la source génétique. Et au final, quand on prend du recul sur toutes ces approches des algorithmes à la génétique, on réalise une chose incroyable. Le son qu'on perçoit, c'est une reconstruction virtuelle de la réalité par notre cerveau. Une simple traduction. Et les technologies d'aujourd'hui sont juste des traducteurs ultra ciblés quand la biologie lâche. C'est fascinant quand on y pense. C'est le mot. Et ça pousse à une dernière réflexion pour tous ceux qui nous écoutent. À mesure que ces dispositifs deviennent capables non seulement d'assister de façon si précise, mais carrément de remplacer le vivant, où va se situer demain la frontière entre la simple réparation médicale et la véritable augmentation humaine ? Bien, donc nous revoici pour la troisième partie. On va parler un peu plus d'avenir ou même de présent. On va commencer par les écouteurs classiques. Chacun d'entre vous ont sans doute des écouteurs pour écouter votre musique. Mais il se trouve aussi que, je vais prendre l'exemple d'Apple, puisque c'est assez récent avec leur nouvelle Apple Pod, non seulement ils amplifient le son pour avoir un son de qualité dans les oreilles, mais apparemment ils le traitent aussi. Et Geoffrey, je crois qu'une de vos étudiantes a fait une étude à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Effectivement. Donc ça vient du fait que Apple a décidé d'arriver sur le marché des OTC. Donc c'est un anglicisme qui signifie « over the counter » et qui parle des appareils qui sont vendus dans des magasins type pharmacie ou bien Fnac, etc. Et dont le but est d'accéder directement au grand public. Et donc Apple a récemment souhaité développer via leur AirPod les transformer en aide auditive. Et donc ils proposent de faire des tests d'audition via leur AirPod et donc de transformer ces derniers en aide auditive. Et donc j'ai justement une étudiante en troisième année à l'école d'audioprothèse de Nancy qui a souhaité faire une étude dessus, donc de comparer sur un même patient différents types d'aide auditive, donc une aide auditive correctement réglée par un audioprothèse, et puis d'autres systèmes, donc les systèmes AirPods de chez Apple, et puis un autre système de vendu sur Internet, voilà. J'ai eu l'occasion de faire ce test, c'est assez bluffant quand même. Mais moi, ce que je retiens, c'est que bon, c'est toujours en dessous. Hein, les Apple sont encore en dessous. Mais bon, pour régler une moyenne surdité ou une très faible surdité, je pense qu'à terme, ils vont y arriver. Il n'en demeure pas moins que moi, ce que j'en retiens, c'est que déjà, c'est plus gros. On n'est plus dans la miniaturisation qu'on a avec les prothèses auditives. Et c'est moins personnalisé. Vous, votre rôle d'audioprothésiste, c'est de faire un réglage, je veux dire, très personnalisé, très adapté à la personne. Exactement. Donc oui, l'étude, donc elle est encore en cours. Hein. Les statistiques ne sont pas faites à 100%, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucune différence possible entre l'Apple et puis le système vendu sur Internet. La différence est énorme entre ces deux, notamment dans le bruit. Hein. Ce sont des tests qui ont été faits dans le bruit, donc sur des personnes malentendantes, avec leurs aides auditives, et puis versus les autres systèmes. Et donc la différence est indéniable. Alors effectivement, nous, notre but de l'audioprothésiste, ça va être de faire le bilan auditif, de choisir l'appareil qui va être le mieux adapté au patient, et ensuite de lui adapter, de lui délivrer, et de faire le contrôle de son efficacité, et de faire le suivi de tout cela dans le temps, effectivement. Alors en clair, la prothèse reste toujours plus performante, mais là où je suis bluffé quand même, c'est par la qualité des batteries. On parle beaucoup de batteries hein, pour les voitures, pour n'importe quoi, tous les appareils électriques qui se rechargent. Il faut voir qu'une batterie qui est hyper miniaturisée dans ces prothèses auditives, elle dure pratiquement 24 heures, j'exagère un peu, mais à peine 20 heures. Non, alors effectivement, la batterie est apparue depuis quelques années maintenant dans l'audioprothèse. Et c'est vrai que leur durée de vie dans les premières était relativement limitée. On était obligé de les changer. Ça se faisait sous garantie avec le fabricant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont développé des batteries de plus grande capacité et effectivement qui ont une durée de vie beaucoup plus importante au sein d'une même journée, mais également dans le temps, c'est-à-dire qu'on arrive au bout de 4-5 ans avec une aide auditive qui tient toujours une journée avec des connexions Bluetooth, etc. Alors on peut penser qu'elles seront adaptées pour des appareils plus commercialisés, plus grand public. Moi j'en veux pour preuve, j'ai des lunettes connectées, des Ray-Ban Meta. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus dans une autre émission, mais j'ai été bluffé par une nouvelle fonctionnalité qui va être mise en place sur ces lunettes. Je prends l'exemple de tout à l'heure où deux personnes parlent dans une ambiance très bruyante avec de la musique, avec tout ce que vous voulez. Donc déjà, les prothèses auditives font le tri, donc on disait, donc ils réduisent pour faire simple le son ambiant et ils accroissent le son des voix. Or, ces lunettes Ray-Ban Meta, cette fonctionnalité est un peu la même chose, sauf qu'ils renvoient le son, la parole de la personne qui vous parle dans les lunettes. Et les lunettes, ça ne sera pas la voix de la personne qui vous parle. A priori, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une voix de synthèse. Bon, les voix de synthèse qui sont très humanisées maintenant, hein, les voix TTS sont très, très, très puissantes, très, très bonnes. Et vous avez carrément la parole dans les oreilles, comme si n'y a plus rien autour de vous. Donc ça, c'est tout nouveau. Bon, je pense que ce n'est pas votre domaine, ça, évidemment. Mais je sais que ça vient en France, mais c'est une question de jour, là, maintenant. Vous en pensez quoi de ça ? Je pense qu'aujourd'hui, ce que les gens souhaitent, c'est un système correctement adapté et qui leur donne les meilleurs résultats dans des milieux très complexes. Aujourd'hui, de ce que vous me dites, je connais absolument pas ce système-là. Ça analyse et ça retranscrit la parole avec une IA. Moi, je reste convaincu qu'une aide auditive avec un traitement du son, mais qui reste au final la voix naturelle du patient, des personnes qui sont autour, qui lui sont retranscrites, restera bien mieux pour le patient qu'une parole qui va être recréée de façon... Je suis complètement d'accord avec vous, mais il n'en demeure pas moins que le fait de voir arriver ce type de fonctionnalité signifie que, in fine, les prothèses auditives, qui sont toujours en avance, on l'a vu, avec l'intelligence artificielle, va pouvoir non pas traiter la parole, mais accroître la... Vous parliez tout à l'heure de tri que faisait l'intelligence artificielle. Je pense que la nouvelle intelligence artificielle va pouvoir faire ça. Alors, effectivement, si on reste sur l'aide auditive, aujourd'hui, le but, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour maximiser et pour hyper personnaliser en fait l'aide auditive au regard du patient et de ses besoins. Voilà. Et donc, notamment, d'améliorer ses performances dans des milieux extrêmement bruyants. Donc, vraiment, on est concentré là-dessus, sur l'auditif et l'amélioration du rapport signal sur bruit, donc du rapport de la parole par rapport à tout le bruit. Et donc, ça va être effectivement l'une des avancées majeures dans les prochaines années. Mais il subsiste toujours en France 47% des personnes atteintes de surdité qui ne s'appareillent pas. Et malgré le 100% santé, donc malgré le fait que les aides auditives, une partie des aides auditives soit remboursée à 100%. Et donc, je pense qu'aujourd'hui et dans le futur, les fabricants d'aides auditives vont travailler sur des systèmes peut-être moins stigmatisants, plus miniaturisés, de sorte que ce soit accepté par encore plus de personnes et qu'on puisse derrière les appareiller et avoir de bons résultats et une vie correcte pour eux. D'accord. Pour conclure, moi, je voudrais rappeler que l'audition, c'est hyper important pour quelqu'un qui est non-voyant. Bon, déjà, je rappelle que à la fois l'œil et l'oreille, ce sont des signaux électriques qui sont envoyés au cerveau, que le cerveau traite. Or, le cerveau ne traite plus, par définition, puisque les informations ne remontent plus jusqu'à lui, la lumière. Donc, ce que l'on voit, ça ne remonte plus. Pourtant, le cortex visuel, lui, fonctionne toujours. Parce que le cerveau, par sa plasticité, par le fait qu'il s'adapte, il réoriente une partie des sons. C'est un peu ce que je disais en introduction. On voit pas mieux, on n'entend pas mieux, on entend différemment. Parce que le cortex visuel peut traiter des informations qui viennent d'ailleurs. Je pense à l'oreille, mais je peux penser au toucher. Par exemple, avec la langue, on est capable maintenant, après évidemment beaucoup de rééducation, de pouvoir se déplacer. Avec le toucher aussi, bon, le bras, il s'en est un bon exemple, mais dans le dos, des pulsions électriques dans le dos peuvent vous permettre de créer des images dans votre cerveau. Voilà, donc ça évolue très vite. Je pense que tout ce qui est audition, il y a pas mal d'avances qui a été faite. L'œil, ça bouge énormément. Les implants rétiniens, ça bouge énormément. Les implants biologiques, ça également, ça avance encore. En tout cas, Geoffrey, merci. Qu'est-ce que vous tirez de cette émission ? Merci à vous déjà de m'avoir invité. Ce que j'en tire, c'est j'espère que ça a intéressé vos auditeurs. Et surtout à les sensibiliser via par rapport à la perte d'audition et par rapport aussi au fait que une oreille on en a qu'une et qu'il faut la préserver au maximum. Donc n'hésitez pas à vous protéger les oreilles, à vous faire des embouts sur mesure chez un audioprothésiste par exemple. Et puis si vous avez le moindre problème au niveau auditif, n'hésitez pas à aller consulter un médecin ORL qui saura répondre à toutes vos questions et vos attentes. Surtout si on pense que c'est une perte d'audition légère, oh, c'est pas grave, j'aime y faire. C'est vrai que le cerveau s'adapte toujours bien. Mais n'hésitez pas à aller voir un ORL, un audioprothésiste qui vous aidera. Voilà. Merci encore, chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission. En attendant cette émission, si d'autres personnes n'ont pas pu l'écouter, faites l'information autour de vous, dites que cette émission est sur ma chaîne YouTube, en podcast, comme toutes les émissions, comme tous mes clips audio et comme toutes mes musiques. En attendant, je vous dis portez-vous bien et surtout à bientôt. Salut !